Chapitre 4e, le premier affût. 3 heures sonnaient à l'horloge du gouvernement quand Tartarin se réveilla. Il avait dormi toute la soirée, toute la nuit, toute la matinée, et même un bon morceau de l'après-midi. Il faut dire aussi que depuis 3 jours, la Chéchère n'avait vu de rude. La première pensée du héros, en ouvrant les yeux, fut celle-ci. Je suis dans le pays du lion. Et ma foi, pourquoi ne pas le dire? Cette idée que les lions était là, tout près, à 2 pas, presque sous la main, et qu'il allait falloir en découdre, brrr, un froid mortel le saisit, et il se fourra intrépidement sous sa couverture. Mais au bout d'un moment, la gaieté du dehors, le ciel si bleu, le grand soleil qui ruisselait dans la chambre, un bon petit déjeuner qu'il se fit servir au lit, sa fenêtre grande ouverte sur la mer, le tout arrosé d'un excellent flacon de vin de Crestille, lui rendit bien vite son ancien héroïsme. « Au lion, au lion » cria-t-il en rejetant sa couverture, et il s'habilla prestement. Voilà quel était son plan. Sortir de la ville sans rien dire à personne, se jeter en plein désert, attendre la nuit, s'embusquer, et au premier lion qui passerait, pan, pan. Puis revenir le lendemain déjeuner à l'hôtel de l'Europe, recevoir les félicitations des Algériens et fréter une charrette pour aller chercher l'animal. Il s'arma donc à la hâte, roula sur son dos l'attente abri dont le gros manche montait d'un bon pied au-dessus de sa tête et, raide comme un pieu, descendit dans la rue. Là, ne voulant demander sa route à personne de peur de donner l'éveil sur ses projets, il tourna carrément à droite, enfila jusqu'au bout les arcades Babazoun, où du fond de leur noire boutique des nuées de juifs algériens le regardaient passer, embusqués dans un coin comme des araignées, traversa la place du théâtre, prit le faubourg et enfin la grande route poudreuse de Mustapha. Il y avait sur cette route un encombrement fantastique. Omnibus, fiacres, coricolos, des fourgons du train, de grandes charrettes de foin traînées par des bœufs, des escadrons de chasseurs d'Afrique, des troupeaux de petits ânes microscopiques, des négresses qui vendaient des galettes, des voitures d'Alsaciens immigrants, des spahis en manteau rouge, tout cela défilant dans un tourbillon de poussière, au milieu des cris, des chants, des trompettes, entre 2 haies de méchantes baraques, où l'on voyait de grandes mahonnaises se peignant devant leurs portes, des cabarets pleins de soldats, des boutiques de bouchers, d'écarisseurs. « Qu'est-ce qu'ils me chantent donc avec leur Orient ?» pensait le grand Tartarin. « Il n'y a pas même tant de Turcs à Marseille. » Tout à coup, il vit passer près de lui, allongeant ses grandes jambes et rengorgé comme un dindon, un superbe chameau. Cela lui fit battre le cœur. Des chameaux, déjà ? Les lions ne devaient pas être loin. Et en effet, au bout de 5 minutes, il vit arriver vers lui, le fusil sur l'épaule, toute une troupe de chasseurs de lions. « Les lâches !» se dit notre héros en passant à côté d'eux. « Les lâches, allez aux lions par bandes, et avec des chiens !» Car il ne se serait jamais imaginé qu'en Algérie on pût chasser autre chose que des lions. Pourtant, ces chasseurs avaient de si bonnes figures de commerçants retirés, et puis cette façon de chasser le lion avec des chiens et des carnassières était si patriarcale, que le Tarasconnais, un peu intrigué, crut devoir aborder un de ces messieurs. « Et autrement, camarade, bonne chasse ?»« Pas mauvaise, » répondit l'autre en regardant d'un œil effaré l'armement considérable du guerrier de Tarascon. « Vous en avez tué ?»« Mais oui, pas mal, voyez plutôt. » Et le chasseur algérien montrait sa carnassière, toute gonflée de lapins et de bécasses. « Comment ça, votre carnassière? Vous les mettez dans votre carnassière? Voulez-vous que je les mette? Mais alors, c'est des tout-petits. »« Des petits et puis des gros, » fit le chasseur. Et comme il était pressé de rentrer chez lui, il rejoignit ses camarades à grandes enjambées. L'intrépide Tartarin en resta planté de stupeur au milieu de la route. Puis, après un moment de réflexion, « Bon, se dit-il, ce sont des blagueurs. Ils n'ont rien tué du tout. » Et il continua son chemin. Déjà, les maisons se faisaient plus rares, les passants aussi. La nuit tombait. Les objets devenaient confus. Tartarin de Tarascon marcha encore 1/2 heure. À la fin, il s'arrêta. C'était tout à fait la nuit. Nuit sans lune, criblée d'étoiles. Personne sur la route. Malgré tout, le héros pensa que les lions n'étaient pas des diligences et ne devaient pas volontiers suivre le grand chemin. Il se jeta à travers champs. À chaque pas des fossés, des ronces, des broussailles, n'importe, il marchait toujours. Puis, tout à coup, halte. « Il y a du lion dans l'air par ici, » se dit notre homme, et il renifla fortement de droite et de gauche.